Là, ce que je vais dire, c'est Rockstar dans Rocking Chair. Rockstar dans Rocking Chair. Alright. Rockstar dans Rocking Chair. Alright. Rockstar dans Rocking Chair. Alright. Au-dessus des conifères. Alright. Alright. Y'a jamais trop de misère. Alright. Alright. Rockstar dans Rocking Chair. Alright. Rockstar dans Rocking Chair. Rocks out on rocking chair, aye. Rocks out on rocking chair, aye. Au-dessus des conifères, aye. Roller la coupe vibère, aye. Y'a jamais trop de misère, aye. Rocks out on rocking chair, aye. Me gainer si je suis postiché, aye. Aye. Dans un BNB proche de Pornichet, aye. Aye. Ce qu'on pas suivi sur un god Michet, aye. Aye. Aye. Ce qu'on pas suivi sur un god Michet, aye. Aye. Rocks out on rocking chair. Fils de pute prolifère, ferme pas les paupières, non, laisse pas la folie faire. Pour m'endormir, il me faut bien plus qu'un bout de somnifère. J'écoute ton flow pour y trouver chez un apothicaire. Appelez le commissaire, j'suis dans les chaumières. Depuis ma rocking chair, Sullivan croque-mitaine. Comme Léon, j'suis dans le nettoyage, un genre de pro de l'hygiène. J'me balade en slip, défoncé à mort, comme un aborigène. Moi j'me lave la bolivienne, j'suis sur une autrichienne, ou bien une mauricienne. Pourquoi pas mongolienne? J'arrive à d'autres T-Rex, avec ma coquindex. On efface tout quand je crache, j'ai trempé ma bille dans un pot de Tipex. Rocks out on rocking chair, hey. Rocks out on rocking chair. Rocks out on rocking chair, hey. Rocks out on rocking chair. Au-dessus des conifères, dans les ragots vibères, y'a jamais trop de misère, aye. Rockstar dans rocking chair, aye. Me gainer si je suis postiché, aye, aye. Dans un BNB proche de Pornichet, aye, aye. Ce qu'on pas suivi sur un god Michet, aye, aye, aye. Ce qu'on pas suivi sur un god Michet, aye, aye. Rockstar dans rocking chair, ferme ta gueule pauvre chienne. Esclave, j'ai déjà le statut, pas besoin de jolie chaîne. Je veux de l'oxygène, contrecarrer le sortilège. Contre son shorty beige, je contrôle son logiciel. M'élever au ciel, j'ai jamais vu la vie aussi belle. Étoiles dans les yeux, mais c'est pas les mêmes qu'à l'hôtel Sofitel. Caviar dans mes coquillettes, j'rappe pas pour des clopinettes. Fais pas ta mauviette, des frites ou l'olivette. À mon sujet, tu te fais des films, à une étoile sur Allociné. J'suis dans ma rocking chair, arrête d'halluciner. Pas de futur à glorifier, ton futur à modifier. Chaque seconde j'suis notifié, j'suis foncé, j'suis momifié. Rocks out on rocking chair, hey. Rocks out on rocking chair. Rocks out on rocking chair, hey. Rocks out on rocking chair, hey. Au-dessus des conifères, hey. Dans les ragots vibères, hey. Y'a jamais trop de misère, hey. Rocks out on rocking chair, me gainer si je suis postiché, hey. Dans un BNB proche de Pornichet, hey. Ce qu'on pas suivi sur un god Michet, aye, aye, aye. Ce qu'on pas suivi sur un god Michet, aye, aye, aye.